le père Barbeau, la voyant si prudente et comprenant combien elle était fine, se pressa moins de lui faire son dépôt et son placement que de s'enquérir de la réputation qu'elle s'était acquise à Châteaumeillan, où elle avait passé l'année. Il lui fut dit que la petite Fadette s'était bien comportée, qu'il n'y avait point de plus petit blâme à lui donner. Le père Barbeau fut bien content. Il revint à la Cosse, décidé à procéder prudemment à une enquête sur la conduite que la petite Fadette avait tenue depuis qu'elle était en âge de raison. L'enquête fut faite avec la prudence qu'il souhaitait, et sans que la question de dot fût ébruitée, car il n'en avait dit mot même à sa femme. Pendant ce temps-là, la petite Fadette vivait très retirée dans sa petite maison, où elle ne voulut rien changer. Mais son petit Sotirio devint un gars fort mignon, tout plein de petites idées drôles et aimables, et ne pouvant plus déplaire à personne. Et plus d'un garçon, en voyant marcher la Fadette, si légère et de si belle grâce, eût souhaité qu'elle fût à la fin de son deuil, afin de pouvoir la courtiser et la faire danser. Il n'y avait que Sylvine et Barbeau qui n'en voulut point revenir sur son compte. Il en parlait aussi du prochain retour de Landry. L'opinion, qui vira tout vent, était depuis peu en faveur de la Fadette. On ne la croyait pas riche, mais elle plaisait, et pour cela, elle déplaisait d'autant plus à Sylvinet, qui voyait en elle la rivale de son amour pour Landry. Le mariage de Landry avait toujours été une idée désolante à Sylvinet. Il repilait fièvre, et la mère consulta encore les médecins. Mais, finalement, on l'envoya consulter la petite Fadette elle-même, avec l'accord de son mari. La mère Barbeau pria donc la Fadette de venir voir Sylvinet.